En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan. Le 7 juin au cinéma. France Inter. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, un polar dans l'Ouest américain, 1925, meurtre mystérieux chez les Indiens Osage. Le peuple des Osages, à la fin du 19e siècle, aurait dû partager le sort des autres Amérindiens. Décimés par 3 siècles de défaites militaires, affamés par le massacre des bisons, privés de leurs terres, acculturés, infantilisés, parqués dans des réserves de misère, avec pour avenir, opter pour l'American Way of Life, sinon, encore mieux, mourir. Les Osages furent relégués en Oklahoma, mais incroyable pied de nez du destin, les terres arides qu'on leur avait octroyées, qui devaient être leur tombeau, on découvre au tournant du siècle qu'elles recèlent un des plus gros gisements de pétrole des États-Unis. Ces Indiens voués à disparaître étaient soudain milliardaires. Des Indiens dans des voitures de luxe, servis par des domestiques blancs. C'est dans ce monde à l'envers qu'une série de meurtres mystérieux dans les années 20 terrorise la communauté Osage. Il faudra tout le talent de l'agent fédéral White pour résoudre l'affaire. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Marie-Claude Feltes-Strigler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste des études amérindiennes, maître de conférences honoraires à l'Université Paris 3. Vous avez consacré un livre à l'histoire des Indiens Osage. Alors, quand on parle des Indiens d'Amérique, on pense par exemple aux Sioux, aux Cheyennes, aux Navajos, aux Comanches. Mais les Osages sont moins connus, en tout cas en France. Mais vous, c'est un peuple que vous connaissez bien, personnellement, je crois. Tout à fait, oui, oui. Alors, j'en profite pour vous signaler qu'on a plutôt tendance à dire Osage que Osage. Ah, d'accord. Bien qu'il y ait un seul S. Effectivement, les Osages sont très peu connus en France. En fait, ils font partie de la grande famille des Sioux. Sioux, c'est un terme générique, alors qu'en fait, ça recouvre un grand nombre de tribus différentes. Et depuis une trentaine d'années, je fais des nombreux séjours dans les réserves indiennes, dont le comté Osage, en Oklahoma. Et je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre sur l'histoire des Osages. Vous êtes plutôt spécialisée dans les Indiens Navajos, je crois. Oui, je les connais mieux, parce qu'autrefois j'ai fait ma thèse sur la politique économique du gouvernement tribal Navajo. Quoi qu'il en soit, lors d'un séjour chez les Osages, juste au moment où je pars, un des responsables de la tribu m'a dit « il faudrait absolument que un Français ou une Française écrive l'histoire de notre tribu » et il m'a offert une plume d'aigle. Ah. Ce qui en soi était illégal. Ce sont des oiseaux sacrés, protégés, ce sont eux qui portent les prières vers Wakonta. Et théoriquement, je n'aurais même pas dû pouvoir sortir des États-Unis avec une plume d'aigle. Donc moralement, ouais, j'étais obligée. C'est une responsabilité. Absolument, c'est un grand honneur. Et voilà pourquoi, en fait, j'ai écrit cette histoire que j'ai approfondie grâce à de nombreux amis Osages, des correspondants, des professeurs d'université Osages, parce qu'ils font aussi des études. Et j'ai pu réunir beaucoup d'archives, ce qui m'a permis d'écrire ce livre, de leurs origines, de la création du monde, le mythe, ouais, jusqu'à aujourd'hui, puisque je les ai quittés il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une tribu qui était originaire du Missouri. Donc près de la vallée du Mississippi. Voilà. D'où vient leur nom, je crois. Alors c'est une déformation phonétique de Wajaji, c'est bien loin, hein, qui signifie les enfants des eaux du milieu. Les eaux du milieu, c'est le Mississippi. Voilà, exactement. Ce fleuve. Et puis ils ont été déplacés selon les historiens américains blancs, vers le Kansas. Ça, c'est au 19e siècle. Au 19e siècle. Début 19e. Et ils ont eu la très grande chance de recevoir des dédommagements financiers pour ce déplacement. Et ils ont acheté leurs réserves en Oklahoma, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc ça leur donnait un avantage par rapport aux autres tribus. Ils pouvaient négocier, entre autres, les ressources du sous-sol, le pétrole. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes se passe en 1925 en Oklahoma, donc cet état de l'Ouest américain. Une histoire qui a tous les ingrédients du polar, des crimes, des flics véreux, un agent fédéral avec un chapeau de cow-boy. Mais c'est aussi quand même, plus sérieusement, une page de l'histoire des relations entre les Blancs et les Autochtones. À ce moment-là, d'une manière générale, Marie-Claude Feltes-Strigler, où est-ce qu'on en est des guerres indiennes? C'est fini depuis quoi? Depuis 30 ans? C'est pas si vieux que ça, finalement. On considère en général que les guerres indiennes se sont terminées en 1890, avec la bataille de Wounded Knee pour les Américains blancs et le massacre de Wounded Knee pour les Amérindiens. Donc là, c'est vraiment la fin de la résistance armée. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne résistent pas par d'autres moyens. La loi, par exemple. Quand j'ai dit dans mon introduction qu'on n'était pas contre de les voir mourir, que finalement les Indiens, on les considérait un peu comme un peuple qui était destiné à mourir. Est-ce que c'est un petit peu la philosophie de cette Amérique du tournant du 19e, 20e siècle? Oui, on a beaucoup parlé du vanishing American, c'est-à-dire l'Américain en voie de disparition. Et le grand slogan, c'était « Tuer l'Indien pour sauver l'homme ». L'homme, c'est-à-dire l'acculturer complètement et l'obliger à s'intégrer dans la société majoritaire. À devenir comme un, voilà. À vivre comme un homme, un Américain blanc moyen. Exactement. Marie-Claude Feltes-Strigler, je vous propose que nous poursuivions cette discussion dans environ 30 minutes. Tout de suite, 1925, meurtre mystérieux chez les Indiens Osages, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Qu'est-ce qui fait chaud? J'en peux plus de ce costume. J'ai l'air d'un croque-mort en plus. Je me demande bien ce que le nouveau patron va me demander. Et pour qu'il convoque du jour au lendemain un gars comme moi depuis son Texas paumé, il doit avoir une bonne raison. J'ai quand même gardé mon chapeau de cow-boy. Après tout, ils ont dû se préparer à avoir une antiquité. Il paraît qu'au siège à Washington, ils sont en train de se débarrasser de tous les anciens. Qu'ils ont mis à la place des gamins sortis de la fac, qui tapent à la machine plus vite qu'ils ne dégainent. Ces blancs-becs vont voir ce que c'est qu'un vrai homme de l'Ouest. Juillet 1925, dans le train pour Washington. Tom White a rendez-vous avec son nouveau directeur, Edgar Hoover, qui vient d'être nommé à 29 ans à la tête du bureau d'investigation. Cette institution, qui deviendra le FBI, a été créée en 1908 par Roosevelt dans le but de combler les lacunes judiciaires à l'échelle fédérale. Mais le jeune bureau est déjà entaché de scandales de corruption et ses moyens d'action sont limités. La mission de Hoover est de le nettoyer et d'en faire une vitrine exemplaire du ministère de la Justice. Mais Hoover nourrit aussi des ambitions dévorantes. Ce jeune homme tourmenté, qui vit encore chez sa mère, n'a qu'une obsession, le pouvoir. L'affaire délicate qui vient de lui tomber dans les bras est peut-être celle qui, enfin, va lui donner sa chance. Asseyez-vous, je vous prie. Si ça ne vous ennuie pas, monsieur le directeur, je préfère rester debout. Et moi, je préfère que vous vous asseyiez. On n'est pas dans un ranch ici. Et puis, enlevez-moi ce chapeau, voulez-vous? Pardonnez-moi, monsieur le directeur. Je suis un vieux cow-boy. Une race en voie d'extinction. Figurez-vous, White, c'est précisément la raison de votre présence ici. Vous avez bien servi pour les Texas Rangers? Oui, je parcourais la frontière mexicaine à cheval, avec un couteau dans ma botte. Et je pourchassais les bandits. C'était le bon temps. Eh bien, j'ai une affaire qui va vous rappeler les souvenirs. Elle se passe dans le dernier bastion de l'Ouest sauvage, l'Oklahoma. Vous avez déjà entendu parler des meurtres des Indiens Osages? Non, monsieur le directeur. Je croyais que le temps des guerres indiennes était terminé. Eh bien, les Osages le croyaient aussi. Il y a 30 ans, ils ont été chassés de leur terre des Grandes Plaines et ont été envoyés en Oklahoma, dans une réserve pleine de cailloux. Sauf qu'en 1917, on y a trouvé du pétrole. Du jour au lendemain, ces Indiens qui vivaient misérablement des aides du gouvernement n'ont plus besoin de personne. Ils sont devenus riches à millions. Aujourd'hui, ils habitent des maisons de 3 étages roulant des décapotables et se font servir par des domestiques blancs en livrée. Ça alors, ils doivent être entourés d'une sacrée flopée de vautours. Exact. Suivant les accords conclus avec le Congrès, aucun blanc n'a le droit de racheter leur titre. Les Indiens n'ont rien d'autre à faire qu'à louer leurs terres à des prospecteurs et attendre que les royalties tombent. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont terrorisés. Depuis 3 ans, pas un mois ne passe sans qu'il y en ait un qui soit abattu, empoisonné ou poussé dans un ravin. Une hécatombe. Ça paraît incroyable. Vous voulez dire qu'il y aurait un meurtrier en série dans la réserve qu'on n'aurait toujours pas attrapé? Ça y ressemble. Tout a commencé en 1921 quand une femme aux âges, Anna Burkhardt, a été retrouvée dans un ravin, une balle entre les yeux. L'affaire a été classée. Mais un mois plus tard, un autre Indien s'est pris une balle dans la nuque au volant de sa voiture. Aujourd'hui, on compte une trentaine de victimes. Pendant longtemps, tout le monde se fichait de cette histoire. Mais aujourd'hui, Washington me met la pression. Charles Curtis, le sénateur du Kansas, qui est d'origine osage, en a parlé au Congrès. La presse commence à s'en mêler et c'est pas bon. Mais pourquoi est-ce au bureau de s'en occuper? Ce serait plutôt aux autorités locales. Ça ne vous étonnera pas qu'en pleine période de prohibition, la police de l'Oklahoma a d'autres chats à fouetter que de s'occuper des meurtres des Indiens? En revanche, ça tombe très bien pour nous. C'est une occasion unique de prouver que ce pays a besoin d'une vraie police fédérale. Vous me suivez, White? Parfaitement, monsieur le directeur. Si nous réussissons, l'affaire des osages sera une vitrine pour le bureau. Si nous échouons, ma carrière, et accessoirement la vôtre, sera rapidement terminée. J'ai besoin d'un homme de terrain irréprochable, qui prenne la tête du bureau d'Oklahoma City. Est-ce que vous acceptez? J'accepte, monsieur le directeur. Bien. Une dernière chose, White. Je ne veux pas la moindre goutte de sang, compris? Rassurez-vous, je dois bien être le seul Texas Ranger à n'avoir jamais abattu personne au cours de sa carrière. Effectivement, c'est assez rare. J'ai grandi dans un pénitencier. Hein? Celui que mon père dirigeait, à Austin. Il y pendait les condamnés à mort de ses propres mains. J'y ai appris que la frontière entre les bons et les mauvais est plus mince qu'on ne le croit. Eh bien. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir, White. Je vous fais confiance pour rester du bon côté. Quelques jours plus tard, Tom White arrive en Oklahoma et reprend l'enquête. Malgré leur fortune récente, les Indiens osages restent des citoyens américains de seconde zone. Les considérant comme irresponsables, le Congrès a nommé pour chaque Indien un tuteur blanc chargé d'administrer ses biens. Tom White comprend rapidement que tout a été fait pour étouffer l'affaire. Un détail ne tarde pas à l'intriguer. Une femme a été négligée par les enquêteurs, Molly Burkhardt. Une femme osage mariée à un blanc, Ernest Burkhardt. Les deux sœurs et la mère de Molly ont été tuées, ce qui fait d'elle la seule survivante de la famille. Tom White décide d'aller l'interroger et se met en route pour Pawhuska, la capitale du comté osage, près de la réserve indienne de Grey Horse. C'est pas croyable ce que cette ville est devenue. Il y a 15 ans, ça n'était qu'une poignée de baraques en bois dans le désert. Maintenant, on se croirait à Las Vegas. Une Cadillac par-ci, une Buick par-là, une Indienne qui fait ses courses avec sa fourrure et ses bijoux. Pas étonnant que les voyous débarquent. Pourtant, je suis sûr qu'ils ne sont pas derrière les meurtres. Ce sont des bandits, pas des assassins. Là, tiens, le poste du shérif. Barricadé à l'intérieur, sans doute, avec une bouteille de whisky. Et depuis qu'il a reçu des menaces, il a tellement la trouille, paraît-il, qu'il s'enferme dès qu'on lui parle de l'affaire. J'irai le voir plus tard. J'apprendrai sûrement plus avec la femme aux âges. Madame Burkhardt? Madame Burkhardt? Madame Burkhardt se repose, monsieur. Agent Tom White. Bureau d'investigation. J'ai besoin de lui parler. Un instant, je vais voir. La vie de Molly Burkhardt reflète le passage complexe des Indiens osages à la modernité occidentale. À l'âge de 4 ans, Molly a été obligée de quitter sa famille pour aller à l'école où elle a dû apprendre l'anglais et quitter ses habits traditionnels. C'est ainsi qu'elle a abandonné son nom de naissance, Wakanta Teumpa. Nelly, apportez-nous du thé, s'il vous plaît. Bien, madame. Vous avez une superbe maison, madame Burkhardt. Mais je me demandais, pourquoi toutes ces ampoules allumées dans votre rue? On se croirait en plein jour. Ce sont des lumières pour que Wakanta, le Tout-Puissant, éloigne le fléau qui s'est abattu sur nous, monsieur. Eh bien, je ne suis pas une divinité, mais je reprends l'enquête et je suis là pour vous protéger. Je me fais pas d'illusions, monsieur White. Je sais parfaitement que je suis la prochaine sur la liste. J'espère simplement que ces monstres épargneront mon mari et nos trois enfants. Non, merci. C'est l'heure de votre piqûre, madame. Veuillez m'excuser, monsieur White, le médecin m'a prescrit 2 piqûres d'insuline par jour pour mon diabète. Voulez-vous que je vous laisse ? Non, restez. Si vous voulez mon sentiment. Merci. Les tueurs de la lune fleurie ne sont pas des êtres humains, ce sont des démons. Les tueurs de la lune fleurie ? Pourquoi les appelez-vous ainsi ? Chaque année, en avril, les collines d'Oklahoma se couvrent de millions de petites fleurs. Puis, au mois de mai, au moment de la pleine lune, des plantes très hautes se mettent à pousser dans la prairie et leur volent la lumière. Les fleurs flétrissent peu à peu et meurent. C'est pourquoi nous disons qu'au mois de mai, la lune assassine les fleurs. Mmh. C'est un soir de mai que ma sœur Anna a été retrouvée morte dans un ravin. Madame Burkhardt, je suis désolé, ça a dû être terrible. Un mois après, c'était le tour de ma mère, Lydie. Le médecin n'a pas pu déterminer les causes de sa mort. Et à 6 mois, la maison de ma sœur Rita a été dynamitée. Ils ont retrouvé son corps dans les décombres. Si vous saviez, monsieur White, j'ai remué les autorités. Je me suis ruinée en détective privé. En vain. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une femme malade qui a perdu tout espoir. La seule chose qui me tourmente, c'est que je vais mourir à mon tour sans savoir la vérité. Vous savez, madame Burkhardt, mon père était shérif du comté d'Austin. Un jour, une femme est arrivée au poste. Son visage était en sang, ses vêtements déchirés. Elle s'était faite violer par un homme de passage. Mon père a passé 8 ans à chercher le coupable. Il ne l'a jamais trouvé et ça l'a rongé jusque sur son lit de mort. J'ai toujours su que l'or noir ne nous apporterait que du malheur. Les osages ont perdu leur âme. Aujourd'hui, Wakanta, le Tout-Puissant, nous punit pour avoir abandonné notre terre à la cupidité des Blancs. Pardonnez ma curiosité, madame Burkhardt, mais d'où vous vient cet anglais parfait ? À 7 ans, j'ai été envoyée à l'école chez les sœurs à Saint-Louis. C'est là qu'on m'a coupé maîtresse, qu'on m'a donné le nom de Molly. J'ai eu une enfance heureuse, monsieur White. Avec mes parents, nous dormions à même le sol, dans une tente ronde, comme le nid d'un oiseau. Nous ne possédions rien, mais nous vivions en paix. À 18 ans, j'ai rencontré en ville mon mari, Ernest. Nous sommes tombés amoureux, nous avons fondé une famille. Et puis, est arrivé le pétrole et l'argent a tourné la tête de tout le monde. Les Blancs se sont mis à nous jalouser, à nous détester. Oui, l'Américain de l'Ouest a du mal à supporter qu'un Indien vive dans le luxe. Nous sommes devenus leurs bêtes noires. Les politiciens essaient de modifier la loi pour nous dépouiller. Les bandits nous arrachent nos économies quand nous sortons de la banque. Aujourd'hui, ils nous tuent. Mais qui se soucie de nous ? Pour le gouvernement, nous ne sommes que des enfants privés de sens commun. Madame Burkhardt, j'ai peur que vous n'ayez raison. J'ai la conviction que les commanditaires ont agi avec la complicité des autorités locales. Quant à vos détectives, j'ai bien peur qu'entre votre argent et celui qu'ils ont reçu pour créer des fausses pistes, ils n'aient déjà quitté le pays les poches pleines. Je ne sais plus quoi faire. La seule personne en qui j'ai confiance, c'est William Hale, l'oncle de mon mari. Il pourra sûrement vous en dire plus. Je vous remercie, madame Burkhardt. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous sentez mal ? Non, c'est rien. C'est l'insuline. À chaque fois après, je me sens très fatiguée. Nelly ? Nelly ? Elle a dû aller se coucher. Vous voulez un verre d'eau ? Oui. Allongez-vous, voilà. Merci. Reposez-vous. Merci de votre visite. Que Wakanta vous protège. Merci. Et merci pour le thé. Je vais rendre visite à votre oncle demain. Quelle lune. Ça va me tenir éveillé. Tous ceux que j'ai croisés en ville m'ont dit que pour attraper ce William Hale, il fallait débarquer à son ranch très tôt, avant qu'il ne sorte le bétail. À 3 heures du matin, je ne risque pas de le louper. Ça a l'air d'être un drôle d'oiseau. Un ancien cow-boy qui devient un notable du comté. Ah, ça doit être lui. Qui est là ? Agent Tom White, du bureau d'investigation. C'est un honneur pour moi de recevoir la visite d'un agent de Washington. Surtout une heure pareille. On m'a dit que vous vous leviez très tôt. Comme tous les gens qui font quelque chose de leur vie. Faut que je sorte mes vaches. Et vous êtes le bienvenu. Hey, oh, Clara, viens là, tranquille. Doudou, doudou. Allez, allez, viens, ma belle. Janice. Jeune, mais très têtu. Faites attention, elle en a déjà allongé plus d'un à coup de sabot. Monsieur Hale. Appelez-moi révérend. Révérend, vous êtes aussi pasteur. En quelque sorte. Je suis le gardien des âmes du comté. En effet, on m'a dit que la liste de vos bienfaits est longue. Des dons aux écoles, aux hôpitaux, aux œuvres de charité... Votre patron, l'admirable Monsieur Hoover, nous a tout de même pas envoyé en Oklahoma pour enquêter sur mes dons à la paroisse. Oh, vous devez bien vous douter pourquoi je suis là. Ouais, ces malheureux Indiens, qui peut être aussi barbare pour faire une chose pareille. Révérend, la sœur de Molly, Anna Burkhart, a été aperçue le soir de sa mort en ville avec trois hommes. Deux d'entre eux sont hors de cause. Avez-vous une idée de qui pourrait être le troisième ? Ouais, hélas. Vous le savez, ce sont pas les vauriens qui manquent dans cet état. J'aimais beaucoup Anna. Malheureusement, faut le dire, toutes ces squaws passent leur temps à boire. La pauvre devait être ivre-morte ce soir-là. Elle aura fait une mauvaise rencontre. Oui, sauf qu'on n'a pas retrouvé la balle dans sa tête lors de l'autopsie. La balle ? Elle a dû traverser le crâne. Je regrette, agent White. Je peux tirer un homme à 20 mètres, mais mes compétences balistiques sont limitées. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Hé, oh, qu'est-ce que vous faites, là, Jenny, là ? Vous êtes complètement fou ! Si je tire à bout portant, la balle va s'arrêter à peu près ici. Vous avez déjà vu une cervelle, révérend ? Ça ressemble à du porridge froid. Eh bien, on aurait dû retrouver la balle dans la cervelle d'Anna. Il est impossible qu'elle ressorte à cause de la boîte crânienne. Vous voulez en venir ? Je pense que la balle a été volée au moment de l'autopsie avec la complicité du médecin. Et que la personne qui a volé la balle est probablement le troisième homme. Ouais. Une hypothèse très intéressante. Mais en quoi puis-je vous aider ? Vous connaissez tellement de monde dans ce comté. Vous pourriez bien m'aider à retrouver ce troisième homme. Je ferai mon possible pour que justice soit faite. Oh, là, doucement, là ! Regardez ce que vous avez fait ! Maintenant, ils sont terrorisés ! Vous voulez dire, comme les Indiens ? Au revoir, révérend. On se reverra bientôt. Malgré les efforts de Tom White, au bout d'un mois, l'enquête est toujours au point mort. À Washington, Hoover commence à perdre patience. Septembre 1925. Pourquoi n'ai-je toujours personne derrière les barreaux, agent White ? Monsieur le directeur, nous avançons. J'ai la conviction que le nœud de l'affaire se trouve dans la famille Burkhart. Les titres des Indiens ne peuvent se transmettre que par héritage. Or, si on étudie la chronologie des meurtres dans cette famille, on se rend compte qu'au bout de la chaîne... La bénéficiaire de tous les titres se trouve être Molly Burkhart. Et quelle preuve a-t-on contre elle ? Aucune, monsieur le directeur. Je suis persuadé qu'elle est innocente. C'est quelqu'un de son entourage qui a fait le coup. Son mari ? Il a un alibi pour le meurtre d'Anna. Des témoins l'ont vu assister le soir même à une comédie musicale. Mais il n'a pas l'air net. J'ai été interroger son oncle, William Hale. Il se trouvait au Texas au moment des crimes. Mais tous deux ont l'air d'en savoir bien plus qu'ils ne le prétendent. Bravo, White. On n'a donc aucun témoin et pas la moindre preuve. Qu'ont donné les relevés d'empreintes digitales ? Nous n'en avons pas fait, monsieur le directeur. Vous n'avez pas pris d'empreintes ? Pas plus que vous n'avez soumis les suspects à un examen graphologique, je suppose. Mes hommes ne sont pas formés à ce genre de méthode, monsieur le directeur. Eh bien, on voit le résultat, White. Écoutez-moi bien. Je vous donne un mois de plus, mais pas davantage. Bien, monsieur le directeur. Eh, j'oubliais, White. J'ai édité un nouveau décret qui interdit la consommation d'alcool pendant et en dehors du service. Tout agent qui ne respectera pas cette règle sera renvoyé sur le champ. Bien, monsieur le directeur. À bout de nerfs, Tom White prend sa carabine et va tirer sur des canards dans les bois, comme il a l'habitude de le faire pour se détendre. Vers minuit, il retourne à la réserve des Osages et sursaute. Molly Burkhart est devant sa maison, assise dans son rocking chair, elle le regarde fixement. Madame Burkhart, vous n'êtes toujours pas couché. Vous n'avez toujours pas trouvé le tueur, n'est-ce pas ? Pour l'instant, j'avoue que je tourne en rond. Mais rentrez chez vous, vous y serez plus en sécurité. Je vous attendais. Il faut que nous allions voir Messe Moy. Qui ça ? Messe Moy, la chamane de notre communauté. Pourquoi ? Elle a des informations sur les meurtres? Elle est la seule à pouvoir communiquer avec Wakanda, qui voit tout et entend tout. Je vous remercie. Mais la magie, c'est pas mon truc. Les chamans lisent l'âme de notre peuple. Venez avec moi. Mais où? Dans la prairie, derrière la forêt. Le crinirien. Ne dites rien. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reproduit les battements du cœur de la terre. De la sauge pour purifier le cœur. Wakanda, descends sur nous en cette nuit où la lune est aussi ronde que le soleil. À qui parle-t-il? Homme blanc, les oiseaux quittent la terre avec leurs ailes. Nous, les hommes, nous pouvons aussi quitter ce monde, mais avec notre esprit. Le grand esprit nous a donné une vaste terre pour y vivre, et des bisons. Mais vous êtes venus, vous avez tué les bisons, et vous nous avez volé. Je sais tout ça, mais à quoi bon? Tais-toi et écoute la sœur de Molly, Waralumba, veut te parler à travers ma voix. Homme blanc, je suis Waralumba. Anna est le nom que les blancs donné. Ouvre ton cœur à mes paroles. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, parle-nous. Ma sœur, j'ai rejoint nos ancêtres. Notre père, Neka, et notre mère, Ouachna, homme blanc, sache que les ténèbres dans lesquelles ton peuple a plongé les osages vont bientôt se lever. Quand? Comment? Toute lumière provient de la vérité. Les osages, grâce à toi, connaîtront bientôt la vérité. Va vers l'est pour que le sang arrête de couler et que le peuple de la terre laisse enfin en paix le peuple du ciel. Je comprends rien. Pars maintenant. Dans un jour et une nuit, tu seras arrivé. Et quand tes os retourneront dans le sol, rappelle-toi que cette terre ne t'a jamais appartenu, mais que tu appartiens à cette terre. Ma sœur, va en paix. Qu'est-ce que c'était que ça, bon Dieu? Il faut laisser mes siens, moi, maintenant. Venez. C'est grand. deviens cinglé. Voilà que j'obéis aux esprits maintenant. De toute ma vie, je n'ai jamais eu une trouille pareille. Ou alors c'était une hallucination. Ça me rappelle quand, à la frontière du Mexique, j'avais bu trop de mezcal. Je me demande si c'était vraiment de la sauge qu'elle nous a servie. Ou alors c'était le whisky. Faut vraiment que j'arrête. Le patron a raison, ça n'apporte que des ennuis. Elle m'a dit que j'arriverais dans un jour et une nuit. À supposer que je sois sur la bonne route. Tom White roule sans s'arrêter. La nuit suivante, il fait une pause de quelques heures pour dormir dans sa voiture. À son réveil au petit matin, il voit se détacher une forteresse au milieu du désert, le pénitencier d'État du Kansas. Ça me fait toujours drôle de voir un pénitencier. Une sorte de mausolée en plein soleil. Et si c'était là que je devais aller? Non, c'est absurde. À moins que le coupable soit sous les verrous. Ou alors, il y a dedans quelqu'un qui sait quelque chose. Tom, tu dérailles. Déjà que le patron te tanne pour que tu relèves des empreintes, si tu commences à lui dire que tu écoutes les chamans, n'empêche, j'ai aucune piste. J'ai rien à perdre. Allons-y faire un tour. Arrivé au pénitencier, Tom White consulte le registre des prisonniers. Un nom attire son attention. Dick Gregg, un braqueur de 23 ans condamné pour une attaque de train. Ce jeune homme à la gueule d'ange fait partie de la bande d'Al Spencer, une des bandes hors-la-loi les plus redoutées de l'Ouest. Dick Gregg a été arrêté il y a quelques mois dans le comté Osage où il se cachait. Pas de quoi faire de lui un meurtrier. Tom White, qui connaît bien la psychologie des criminels, a l'intuition que Dick Gregg est ce qu'on appelle un bandit d'honneur. Un voleur, oui, mais pas un tueur. Et s'il sait quelque chose au sujet des meurtres, il n'hésitera pas à le dire contre une remise de peine. Une visite d'un agent du gouvernement. C'est trop d'honneur pour une fripouille de l'Ouest. Comment allez-vous, Greg? Comme on peut se porter quand on passe ses journées sans voir le ciel? Justement, je viens vous parler de ça. De quoi? Vous voulez qu'on aille en ville ensemble voir des putes? Greg, je peux négocier une remise de votre peine. Ça y est. Vous voulez savoir qui était avec moi dans l'attaque du train, c'est ça? Désolé, je suis pas une balance. Et puis vous le savez bien, j'aurais pas le temps de faire trois pas dehors, Cal Spencer m'aura déjà troué la peau. Il ne s'agit pas de l'attaque du train, mais des meurtres d'Indiens. Des meurtres d'Indiens? Vous croyez que c'est moi qui ai fait le coup, vous délirez? Je suis un voleur, pas un assassin. Je te crois, mais tu sais forcément quelque chose. Ah ouais? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les coupables n'ont pas commis les meurtres eux-mêmes. Ils ont payé des gens pour le faire. Donc ils ont dû le proposer à tous les bandits du coin. Pas mal. C'est à Washington qu'ils vous apprennent à raisonner comme ça. Je suis pas un gratte-papier. Je viens du fin fond du Texas comme toi, Greg. Est-ce qu'on t'a proposé de tuer une indienne? Je fais pas ça, moi. Réponds, est-ce qu'on te l'a proposé? Si je vous disais qu'on me l'a proposé, qu'est-ce que j'aurais en échange? Si tu me dis qui c'est, je peux demander que tu sortes dans 3 mois. 3 mois. Eh bien, au revoir, Greg. Attendez. 1 mois. Je vais être dehors dans 1 mois. Dis-moi ce que tu sais. On verra après. D'accord. Il y a quelques mois, avant que j'arrive ici, 2 types sont venus me trouver. Ils m'ont proposé de descendre une couverture. Une couverture? Ouais, une indienne, quoi. Mais tuer, c'est pas mon truc. Une femme, surtout. Qui étaient les 2 types? Un vieux, avec des lunettes et un nœud papillon. L'air d'un pasteur. L'autre, c'était une brute qui lâchait pas un mot. Il était complètement à la botte du vieux. Je vois. Le cerveau et les muscles. Dis-moi, ces deux-là, ce serait pas William Hale et son neveu Ernest? C'est possible, ouais. William Hale, le bienfaiteur du peuple Osage. Le 3e homme. Une belle ordure. Il avait une manière de me regarder. Il était là, avec ses bonnes manières, mais on sentait qu'il pouvait briser n'importe qui. On aurait dit le diable en personne. Écoute-moi. Si tu es prêt à dire tout ça devant une cour de justice, sous serment, je te fais sortir dans 1 mois. Je suis d'accord. Mais faut être sûr qu'ils aillent en prison tous les deux. Sinon, ce sera moi le prochain sur la liste. Je te le garantis. Dans un mois, ils prendront ta place. Et pour longtemps. En attendant, j'ai besoin de ton témoignage écrit et signé. Parce que vous croyez que je sais écrire ? C'est moi qui vais écrire. T'auras juste à signer. En sortant du pénitencier, Tom White envoie un télégramme à Hoover et reprend la route à toute allure. Il doit délivrer un mandat d'arrêt contre les suspects avant qu'ils ne commettent d'autres crimes. Mais avant cela, il tient à prévenir Molly personnellement. Tom White redoute ce moment. Comment va-t-elle réagir en apprenant que son mari a participé à un atroce complot visant à s'approprier la fortune familiale ? Tom White arrive chez Molly le lendemain. La domestique lui apprend qu'elle est hospitalisée depuis plusieurs jours. Craignant le pire, Tom White se précipite à l'hôpital de Pawhuska. Molly, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis évanouie après une piqûre d'insuline. La domestique m'a trouvée par terre et on m'a amenée ici. Ernest n'est pas avec vous ? Non, il est au Texas avec William. Pour affaire. Vous savez quand ils vont rentrer ? Demain, normalement. Ça m'embête de causer tous ces soucis à Ernest. Molly, écoutez-moi. Vous allez arrêter immédiatement de prendre cette insuline, c'est compris ? Mais mon diabète ? Ce n'est pas de l'insuline qu'on vous donne. On est en train de vous empoisonner, comme votre mère. Mais qui ? Qui ? Répondez, pourquoi vous dites rien ? Molly, j'ai de sérieuses raisons de penser que votre oncle Hale est impliqué dans les crimes. William ? C'est impossible. Vous faites erreur. J'ai bien peur que non. Mais pourquoi ferait-il ça ? L'argent, Molly. Hale a mis au point tout un système pour détourner la fortune des osages. Il a fait souscrire à des Indiens des assurances-vie, dont il est l'unique bénéficiaire. Ou bien il s'est entendu avec les tuteurs pour se partager leur fortune après leur mort. Et il a versé suffisamment de pots de vin à tout le monde pour que les autorités et les médecins effacent l'épreuve. Quelle horreur ! Mais notre famille, alors ? Qui a bien pu vouloir nous tuer ? Dites-moi la vérité ! Il semblerait que Hale soit aussi derrière les meurtres de votre famille, Molly. Pourquoi aurait-il tué ses propres belles-filles ? Toujours la même raison. Aujourd'hui, vous êtes l'unique héritière de votre famille, à votre mort. À ma mort, c'est Ernest qui... Vous voulez dire... Qu'est-ce que vous racontez ? Il va falloir être forte, Molly. Pas Ernest ! Ernest n'a rien à voir là-dedans. Calmez-vous. Il faut vous reposer maintenant. Qu'est-ce que vous faites ? J'embarque cette saloperie qui n'est certainement pas de l'insuline pour la faire analyser au labo. Ça me fera bien voir de mon chef. En attendant, j'envoie tout de suite deux de mes hommes qui seront postés jour et nuit devant la porte de votre chambre. Vous n'avez plus rien à craindre. Dites-moi qu'Ernest n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que vous aimez votre mari, Molly ? Bien sûr. J'aime comme au premier jour. Alors priez le Seigneur pour lui. Le soir même, William Hale et Ernest Burkhardt sont arrêtés. L'affaire fait les gros titres des journaux du lendemain. L'Amérique de la modernité se passionne pour ce déchaînement de perversité. Le procès s'ouvre un an plus tard, en mars 1926. Au tribunal, les journalistes sont frappés par la vision d'une femme osage qui se tient seule sur un banc. Molly Burkhardt a désormais le regard d'une vieille femme. Ernest Burkhardt comparaît le premier, décomposé. Il regarde ses chaussures avant d'éclater en sanglots. William Hale, lui, ne manifeste aucun remords. Il nie en bloc avoir commandité les meurtres. En juillet 1926, Ernest Burkhardt et lui sont condamnés à la prison à perpétuité. Que se passe-t-il, White ? Vous êtes méconnaissable. J'ai adopté les nouveaux usages du bureau, monsieur le directeur. Un costume, un borsalino. Vous voyez, il n'en fallait pas plus pour faire de vous un homme civilisé. Excusez-moi un instant. Miss Gandhi, renvoyez-moi cet œuf poché, voulez-vous ? Je ne supporte pas quand le jaune coule. Que disions-nous ? J'allais vous annoncer que je me suis mis au golf. Au golf ? Voilà qui est extraordinaire, White. Et qui va me faire regretter encore plus votre départ. Je sais, monsieur le directeur. Mais le pénitencier de Leavenworth est l'un des plus grands des États-Unis. Je suis honoré de cette proposition de le diriger. Et puis que voulez-vous, je me fais vieux. Et là-bas, j'aurai une vie plus tranquille avec Bessie et les enfants. Et vous marcherez sur les traces de votre père. Vous avez raison, White. Faut toujours partir sur un succès. Et l'affaire des osages est une superbe réussite. J'en suis très honoré, monsieur le directeur. Dommage que vous n'ayez pas utilisé les nouvelles méthodes que j'essaie de mettre en place. Au fait, vous ne m'avez pas dit comment vous étiez arrivé jusqu'à ce Dick Gregg. Ah, une méthode de l'ancien monde, monsieur le directeur. Quelle chaleur. Ce pénitencier, on dirait une étuve. J'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le passé. Voilà que je fais les 100 pas, les mains dans le dos, comme mon père. Et mes enfants jouent dans la cour de la prison quand les détenus sont rentrés. Et heureusement, ici, il n'y a pas d'esprit. Quand je repense à ce salopard de William Hale, moi j'ai beau être contre la peine de mort, en voilà un que j'aurais bien expédié sur la chaise électrique. Mais dans ce pays, c'est pas demain la veille qu'on condamnera à mort un blanc pour le meurtre d'un indien. Ah, Bessie me fait signe. C'est l'heure du dîner en famille, dans le réfectoire de la prison. « 1925, meurtre mystérieux chez les Indiens Osage » de Marjorie Philibert avec Tom White, Thibault Lacroix, Edgar Hoover, Alexandre Ruby, William Hale, Alexis Rangère, Molly Burkhardt, Estelle Meyer, Dick Gregg, Yvan Cory, la chamane Dominique Fraud, la domestique Lisa Perriot, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Olivier Dupré et Victoria Aspert, assistante à la réalisation Justine Diebling, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez France Inter, autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on continue de parler des Indiens Osage avec mon invité Marie-Claude Feltes-Strigler. Sword or a gun, for the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river is watching, she won't let you get any close. Hey, hey. American Dream de J.S. Sandara sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, la technique Nassa Moussaoui. Marie-Claude Feltes-Strigler, l'histoire vraie, enfin en grande partie, que je viens de raconter, vous en parlez aussi dans votre livre, mais elle fait récemment l'objet d'une enquête extrêmement poussée par un journaliste d'investigation américain, David Grann, un journaliste du New Yorker, oui, un livre qui s'appelait Killers of the Flower Moon en américain, et qui est sorti cette année en France sous le titre plus énigmatique, La Note américaine. En quoi l'affaire donc des meurtres des Osages, je vais essayer de le dire, les Osages, dans les années 20. En quoi cette affaire est-elle symptomatique de l'histoire des Indiens d'Amérique et des Osages aussi en particulier ? Alors, d'une part, elle est symptomatique des Indiens d'Amérique qui sont évidemment mal considérés, maltraités par les Américains blancs, pour ne pas dire par le gouvernement fédéral. Mais les Osages sont extrêmement particuliers. Ce n'est pas la seule tribu dont le sous-sol recèle des ressources en charbon, en pétrole, mais ce sont les seuls qui se sont incroyablement enrichis. Comme je disais tout à l'heure, grâce au dédommagement financier de leur expédition en Oklahoma, ils ont pu acheter eux-mêmes la réserve. Vous l'écrivez dans votre livre, en 1920, 5849 puits produisaient plus de 17 millions de barils. Ils étaient vraiment riches, les Osages, et ils avaient cette manière de vivre assez ostentatoire, comme on le raconte dans la fiction, et c'est cela aussi qui a suscité peut-être des jalousies, le sentiment que cette richesse était indue pour des Indiens. Ils ont été honteusement exploités. Donc c'est vrai que ce que nous venons d'entendre, on parle de buick, de voitures de luxe, c'était un fait. Des journaux de l'époque disent même que, eh bien, ils abandonnaient la voiture quand le réservoir était vide. Oui, donc, il y avait un discours un peu raciste sur les Indiens. Et ils ont été, comme je disais, honteusement exploités, si bien que même les médecins, par exemple, avaient un tarif spécial nettement plus élevé que pour leurs patients blancs. Oui, les banquiers donc proposaient des taux faramineux. On les incitait à emprunter alors qu'en fait ils n'en auraient pas eu besoin. Mais avec le système ancien des trading posts... Qu'est-ce que c'est ? C'est le commerce des fourrures qui a été à l'origine de leur richesse autrefois. Vous savez que les cours européennes étaient très friandes des grands chapeaux en feutre. On voit les chapeaux des mousquetaires par exemple, mais même les femmes les portaient. Or, le duvet du castor américain était de bien meilleure qualité que les castors européens. Donc on a incité les Indiens à chasser le maximum de castors et à les vendre aux traders, aux commerçants. Donc ça a été aussi l'origine de leur richesse au XVIIIe siècle. Ils avaient l'habitude donc de faire du commerce, mais là c'était une autre dimension. Mais donc évidemment, c'était sous forme de troc en fait. Ils donnaient les fourrures, en échange on leur donnait un peu d'argent, mais surtout des marchandises. Donc là, on passe évidemment à de l'escroquerie pure et simple. Et on voit, donc on l'a entendu, des blancs qui se marient avec des Osages dans le seul but de s'enrichir et ce qui peut aller jusqu'à les conduire au meurtre. Oui, et c'est ce que les Osages actuellement appellent encore le règne de la terreur. Oui, ces années 1920-1925 en gros. Absolument. C'est très important dans les mémoires encore aujourd'hui chez les Osages. C'est très, très présent. Vous savez que les Indiens n'ont pas la même conception du temps que nous, occidentaux. Pour nous, le temps, il est linéaire. Il y a ce qu'il y a derrière nous, il y a ce qu'il y a devant nous. Alors que pour les Amérindiens, c'est plutôt circulaire. Donc, le passé est présent. C'est peut-être un peu bizarre ce que je raconte là, mais non, c'est, pas du tout. C'est un fait. Donc, c'était des mariages un peu bizarres. Enfin, donc, il y a eu des meurtres. Des mariages mixtes. Voilà, qui sont restés inexpliqués. Et donc, les petits-enfants se demandent si le grand-père ou la grand-mère n'a pas tué l'époux pour justement obtenir l'héritage. C'est effectivement un passé qui est lourd à porter. Tout à fait. Et alors. Le gouvernement fédéral s'est quand même ému de cet état de choses, parce qu'il y avait quand même de plus en plus de meurtres. Oui, parce que, excusez-moi, interrompre, c'est que le gouvernement fédéral intervient aussi parce que la justice au niveau local, au niveau de l'État de l'Oklahoma, est totalement corrompue dans cette histoire. Tout le monde a intérêt à ce que ces crimes ne soient pas vraiment élucidés. Et donc il faut réellement l'intervention du gouvernement fédéral de Washington pour qu'on puisse enfin connaître la vérité. Et puis, les éventuels coupables. Les autorités locales s'en souciaient fort peu. Que ce soit des Indiens qui meurent n'avait pas quand même très très grande importance. Le gouvernement fédéral s'en est ému au moment où les médias ont commencé à en parler. Et donc là, dans la mesure où c'était à la connaissance de tout le monde, il fallait vraiment réagir. Oui, on se doute bien que Edgar Hoover n'était pas un grand philanthrope et qui, s'il a mené cette enquête, c'était surtout pour des raisons politiques. Pour son intérêt personnel, pour son intérêt aussi, personnel. Pour son prestige. Et il ne faut pas oublier quand même que le BOI, le Bureau d'Investigation, est devenu le FBI maintenant. Ça a été vraiment... Peu de gens savent que l'origine du FBI vient des meurtres des Osages, en fait. Alors, au fil des années 30, la manne du pétrole va se tarir. Que va devenir justement le peuple Osage sans ce pétrole ? Alors, les Osages ont évidemment souffert de la crise de 29 et des années qui ont suivi, bien entendu. Mais dans leur mythe, qui est très très important dans leur culture, ils disent toujours qu'on est en route vers un nouveau pays. Donc ils ont toujours rebondi. Ils ont 7 casinos maintenant dans le comté Osage. Tout le monde sait que les Américains sont très friands du jeu. Donc les casinos sont très rentables. Et donc ils alternent avec casinos et revenus du pétrole. Et les Osages, combien sont-ils aujourd'hui ? C'est un peuple qui n'est plus en perte de vitesse. C'est un peuple qui est très métissé. Il y a à peu près 8000 noms sur les listes tribales, mais des Osages vraiment de pure souche, il n'y en a plus que 2. Ils ont décidé que pour être pure souche, il fallait désormais avoir 50% de sang Osage. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, justement, être Osage à 50%? Bon, déjà, il y a l'appartenance à une communauté spirituelle et culturelle. Ils sont très conscients de partager des mythes, une spiritualité. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Et puis, bien qu'ils soient très riches, il y a quand même des traités qui ont été passés avec le gouvernement fédéral. Donc, ils continuent quand même à bénéficier de subventions pour les infrastructures, pour les routes, pour les écoles. Et dans la mesure où c'est une tribu, une des 567 tribus reconnues par l'État fédéral, quand il y a un problème, ils vont négocier directement avec l'État fédéral et non pas avec l'État sur lequel se situe la réserve. Et par la suite, que va devenir le peuple Osage ? Le peuple Osage, c'est un petit peu comme les autres tribus, sauf qu'ils sont financièrement favorisés. Mais en général, leur situation s'est bien améliorée grâce entre autres au président Obama, qui a passé un certain nombre de lois pour la protection de l'environnement, la protection de leurs droits. Mais en ce qui concerne les Indiens, rien n'est jamais acquis, puisque Donald Trump, dès le lendemain de son élection, a commencé à revenir sur toutes les dernières décisions fédérales. Bon, eh bien, on espère qu'il y aura d'autres pays pour le peuple Osage. Merci beaucoup, Marie-Claude Feltes-Strigler. Votre livre « Les Indiens Osages, enfants des eaux du milieu » est publié aux éditions Nuages Rouges. Et je crois que vous publiez bientôt un nouveau livre. Oui, au mois d'avril, sur les Navajos cette fois-ci. Moi, Sam Biguet, homme médecine Navajo. À lire également, bien sûr, passionnant, La Note américaine, l'enquête de David Grant qui est sortie cette année chez Globe. Et je signale que cette histoire, donc, du livre de David Grant sera adaptée au cinéma cette année par Martin Scorsese. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en Allemagne en 1931 sur les pas de M, le maudit. En réalité, sur ceux de l'acteur Peter Lorre qui immortalisa le personnage du film de Fritz Lang. Face à la montée du nazisme, l'acteur d'origine juive va devoir quitter l'Allemagne. Peter Lorre le maudit de Berlin à Hollywood, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Édouard Baer, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.